Avec tout ce que je fais, tout ce que j'ai, tout ce que je sais, on me regarde d'un air hautain, les yeux pleins de haine, parce que je m'apprête à débouler au culinaire avec une quiche d'au moins 10 km dans les affaires avec le frère qui nous sert. Est-ce qu'on y va? J'ai mis ma plus belle veste, je suis sur l'écran.